Ousmane, ça va? Oui, Ousmane, Vas-y, papa. Les claquettes. S'il y a quelque chose, c'est pour. Je vais donner la serviette, expliquer qu'il la mette autour de lui. Elia! Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas? Ah, je t'ai creusé la tête. Mais qu'est-ce que tu fais? On y va? Allez, viens, on va manger la glace. Allez, viens, on va t'acheter une glace au chocolat. Allez, une demi-heure de plus. Bah écoute, Aïman, en attendant, tu fais la queue, nous pour l'instant, on va les habiller, on va les laver. Aïman, tu veux? Aïman!